Est-ce que le double éthérique souffre autant que l'humain? Non, le double éthérique ne souffre absolument pas. Comment a-t-on fabriqué les pyramides d'Égypte? Bon, premièrement, les pyramides d'Égypte, pour l'Égypte, il faut comprendre qu'à cette époque-là, la densité de la planète n'était pas la même que la nôtre aujourd'hui, ce qui veut nécessairement dire que tout ce qui pèse des tonnes aujourd'hui ne pesait pas le même poids à l'époque. C'est d'ailleurs pourquoi les blocs de pierre traînés les uns sur les autres ne se sont pas effrités et massacrés. Deuxièmement, on avait des techniques qui sont quand même plus simples que ce que l'on envisage aujourd'hui. On n'a pas de grues, mais on avait des pots de bananes, on avait des pelures de palmiers. On avait suffisamment de gras animal et de gras végétal pour empêcher la friction, pour de façon à traîner les blocs. Et qu'est-ce qui a surtout fait la force, exactement comme pour la construction de la muraille de Chine, c'est l'humain, la quantité d'humains. Alors les esclaves, ainsi que les volontaires, parce qu'il y avait énormément de volontaires, parce que lorsque l'on bâtissait une pyramide dans le sens des pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérinos, entre autres, on bâtissait ça pour un dieu vivant, le pharaon. Alors on avait du monde qui se prêtait bien à cette construction-là, et la densité des matériaux n'était pas la même. En plus, de temps en temps, certains personnages de l'époque avaient la faculté de jouer d'un instrument de musique, une sorte de flûte particulière. Ils se servaient aussi comme canne, et la musique ne permettait pas de soulever les blocs de pierre, mais elle permettait d'alléger énormément le travail des travailleurs, ce qui permettait d'alléger ce fardeau à trimballer les pierres. Si on regarde de quelle façon on s'est pris mathématiquement pour créer une pyramide qui, justement, pouvait inclure dans la mathématique de sa hauteur et sa largeur le nombre pi, eh bien, on se rend compte très facilement que pour arriver à créer une pyramide qui aurait ces proportions-là, les Égyptiens n'avaient absolument pas besoin de connaître le nombre pi ni le phénomène de calcul pour une circonférence, pour la simple raison que, de toute manière, étant donné, par hasard, disons bien, que les mesures qu'ils se servaient pour fonctionner, c'est-à-dire le nombre de pas, la circonférence d'une roue, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir des longueurs de mesure aussi précises que celles qu'ils se sont servies, si on mesure la base de la pyramide avec une corde, l'étirement de la corde à la longue fait que la mesure est absolument plus bonne. Les métaux, on ne peut pas avoir de fil de métal aussi long, et même là, le fil de métal, par son poids, crée une tension qui distorsionne la mesure. Et les Égyptiens en étaient arrivés à la conclusion que pour avoir des mesures aussi précises dans une certaine distance, ils ne pouvaient faire autrement que de prendre une roue. Alors, en prenant une roue et en traçant une ligne dessus, chaque fois que la ligne arrivait à terre, on mesurait. Et la roue, on l'a fait de façon à ce que la longueur la plus courante de l'époque soit utilisable. Et en manigançant des mesures à partir d'une roue, nécessairement, le nombre pi devait être inclus dans la longueur et dans la mesure dans la construction mathématique de la pyramide. Et il y a plusieurs autres choses de ce genre qui étaient totalement ignorées des Égyptiens, mais qui, par hasard, faut s'entendre, c'est attribué à la physique, ou disons à la géophysique amenée par Hiram Abiff qui a permis la construction de ces pyramides-là. Et nécessairement, ce hasard-là ou ce hasard-là faisait en sorte qu'à travers l'ignorance des Égyptiens, énormément de formules mathématiques et astronomiques ont pu être mémorisées dans la pyramide, même si les Égyptiens ne savaient absolument pas ce qu'ils faisaient. Alors, on pourra parler longtemps de la construction des pyramides, ainsi que des pyramides, des antipyramides qui sont placées en dessous des pyramides pour permettre, dans le monde de la mort, pour permettre la structure vitale, pour permettre la structuration d'un archétype vital permettant la protection des pharaons, et etc. Il y a tout un monde complet qui a été créé dans le monde de la mort lorsque le pharaon était momifié dans une pyramide. On sait très bien que la pyramide émet un onde de forme qui momifie, donc qui entretient l'énergie vitale, qui la restaure jusqu'à son point culminant d'origine, pour par la suite l'entretenir, c'est-à-dire l'empêcher de croître. La pyramide était conçue de façon à empêcher le pharaon de se réincarner, pour lui permettre de vivre dans un monde sans souffrance, un monde de plan moronciel, où le corps physique conservait son âme près du corps, donc de ce corps même, empêchant l'âme de gagner le monde de la mort égyptien de l'époque. Et lorsque le pharaon mourait, on tuait ses chevaux, on tuait ses serviteurs, on tuait tout ce qui l'entourait, et on lui donnait dans la matière tout ce qu'il c'est tout ce qui lui avait servi pendant sa vie à mémoriser de l'énergie. Et lorsque le pharaon mourait, dans le blanc moronciel, il pouvait avoir accès à l'énergie vitale de tous ses objets, ainsi que de tous ses serviteurs qui étaient momifiés dans la pyramide. Momifiés non pas d'une façon aussi hiérarchique que le pharaon, mais cela lui permettait d'avoir un monde similaire au monde de la planète dans le blanc moronciel. Le problème, c'est que la manière dont on s'est servi pour momifier les corps physiques, les substances, les onguents, les huiles, les bandelettes, ont momifié le corps physique d'une façon particulière, où il y a eu une forme de pétrification dégradante du corps physique. Cela a permis au corps physique de changer sa structure moléculaire et atomique. Donc, la forme biologique a été transformée, transposée par une forme chimique. Cela a libéré l'âme des pharaons après quelques centaines d'années. Et les pharaons ont donc gagné le monde de la mort pour se réincarner par la suite. D'où le fait que, à la longue, perçu par les prêtres qui étaient voyants de l'époque, c'était perçu par ces prêtres-là que les pharaons n'étaient plus dans leurs pyramides. Alors, lentement, le système des pyramides a été abandonné au profit d'une évolution qui permettrait à l'humain d'arriver à transcender le phénomène de la réincarnation autrement que par le contrôle de la matière. Alors, on pourrait s'amuser longtemps là-dessus. Comment l'homme peut-il en arriver à vouloir s'annihiler lui-même? L'homme ne veut pas s'annihiler lui-même. La seule chose qu'il y a, c'est que l'être humain évoluant dans un corps physique, il en arrive à un point tel que le corps physique est la matrice qui permettra à l'intelligence de venir anégoïser l'âme, donc de venir détruire le monde de la mort, donc de venir détruire l'âme. Immédiatement, s'il y a une destruction du corps physique, nécessairement il y a nourriture du monde de la mort, donc énergisation des sphères de la mort, et en même temps, la destruction du corps physique entraîne irrémédiablement l'oblitération d'évolution spiritisante. Alors, lorsque l'être humain arrive à une évolution où sa conscience est entre les deux, entre le plan d'intelligence et le plan de la mémoire astralisée, nécessairement le monde de la mort sent là un suicide collectif de l'homme, un suicide qui n'est pas le suicide de son corps physique, mais le suicide des sphères du monde de la mort, donc des sphères des ancestrales, là, les archétypes. Alors, immédiatement, le monde de la mort va s'organiser pour manipuler. Les dieux vont être capables de vivre une coalition dans le monde de la mort, une coalition qui va permettre d'obliger l'être humain à se battre dans des guerres religieuses, dans des djihads, comme le djihad islamique que nous connaissons aujourd'hui, et comme la probabilité de la Troisième Guerre mondiale, qui, je l'ai répété souvent, sera une guerre religieuse. Étant donné qu'elle sera une guerre religieuse, c'est les mondes de la mort qui s'organisent pour que la structure matérielle de l'homme, le corps physique, se désagrège, se détruise lui-même, pour que toutes les âmes regagnent le monde de la mort, et à travers les survivants qui seront trop petits maintenant pour arriver à créer une masse énergétique suffisamment grande pour que l'intelligence fondamentale vienne les habiter, nécessairement, ils pourront être remanipulés par les forces astrales et on pourra réengendrer apparemment une humanité comme celle qu'on a connue dans le passé. C'est pourquoi l'être humain en arrive à un état de conscience où il peut facilement se détruire lui-même. En réalité, l'âme détruit le corps physique, ce n'est pas l'homme qui détruit l'homme. Alors, il y aura donc une terminaison relativement finale dans le contexte planétaire des 10 prochaines années, un choix d'humanité qui peut être tiré, on l'a vu hier, un choix d'humanité où l'intelligence détruira l'âme, ou l'âme détruira le corps. Un ou l'autre. Daniel, comment je peux construire l'ego à ne plus avoir peur de toi? Et je veux que tu m'expliques pourquoi la peur est pire depuis que j'ai rêvé à toi, car lorsque je te croise, l'ego crie, et cela m'empêche parfois de te poser des questions orales. Évidemment, le fait que vous ne me posez pas de questions orales, moi, ça me laisse plus de temps. C'est bien. Alors, la réponse est extrêmement simple. Nécessairement, l'ego crie. Pourquoi? Parce que l'ego, dans le rêve, il est sans doute resté une partie du rêve où l'être humain, où l'ego est allé fouiller. Une partie du rêve qui est restée, c'est celle de ma présence, sauf que pendant le rêve, l'ego a dû expérimenter d'autres choses. Et c'est ces autres choses-là qui, mémorisées énergétiquement, mais pas d'une façon formique, terrorisent l'ego lorsque l'ego s'approche de moi. Alors, ou bien l'ego me respecte d'une façon trop grandiose pour ce que je suis, et ou bien l'ego décode, j'ai déjà expliqué que moi, j'étais sur le plan planétaire un tueur d'âmes. Or, nécessairement, l'ego est une âme. Et si l'ego a pu vérifier certaines choses dans le monde de la mort, nécessairement, il l'a rêvé à moi, et donc, il est allé fouiller dans les mémoires expérientielles que je laisse par mon passage, comme n'importe quel objet ou comme n'importe quel événement laisse. Et de quelle façon la personne peut arriver à passer par-dessus ça? Ça serait sans doute en refaisant mon séminaire, ou si elle fait les cours de Montebello, eh bien, à un moment donné, ça va se passer tout seul. Sinon, eh bien, elle a qu'à travailler sur elle. Une chose est certaine, c'est que du point de vue de l'ego, Daniel Kem, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Okay. En parlant de toi, j'ai une bonne question pour toi. C'est quoi la différence entre un extraterrestre et un paraterrestre? Bon. La nuance entre un extraterrestre et un paraterrestre. C'est la même nuance qu'il peut y avoir entre ceux qui ont contacté Claude Vorillon et moi. Tu veux expliquer plus concrètement la différence entre les deux? Moi, j'ai un problème parce que paraterrestre, pour moi, ça veut dire qu'il vit en même temps, dans un monde parallèle, c'est ça. Dans le temps, dans le même temps présent. C'est ça. Puis un extraterrestre, ben, on dit qu'il vient extérieur à la Terre. C'est ça. Mais est-ce que c'est extérieur à la Terre seulement ou extérieur à l'univers? Non, l'extraterrestre, c'est pas extra-universel, c'est extraterrestre. Donc, c'est tous les phénomènes qui proviennent de l'extraterrestrialité de notre monde. Donc, tout ce qui est relié à une conscience qui n'est pas rayonné par notre plan planétaire, donc un extraterrestre et n'importe quel véhicule matériel, qu'il soit un être humain, une bébite verte ou un robot, n'importe quel véhicule matériel qui est animé d'une conscience ou d'une inconscience qui ne provient pas du plan planétaire. Ça, c'est un extraterrestre. Il peut être martien, et lorsqu'il pénètre le monde de notre planète, il est animé de conditions qui ne sont pas tributaires de notre planète, même s'il peut en être coloré par son passage à travers les sphères du monde de la mort, c'est-à-dire notre atmosphère, de façon à arriver près de l'humain. Et lorsqu'il arrive proche de l'humain, l'humain émettant un nombre de formes, l'ombre de forme colore nécessairement l'extraterrestre. L'extraterrestre, s'il a une affinité réelle, peut s'ajuster à la perception de l'ombre de forme, donc s'ajuster lui-même et devenir un extraterrestre formique humanoïde, reconnu par l'humain. Et nécessairement, l'ombre de forme colorée, l'ombre de retour qui va revenir vers l'humain qui approche sa propre ombre de forme, va lui permettre de codifier l'extraterrestre selon ses attentes, et attentes qui peuvent être des peurs ou des espoirs. Le paraterrestre est un être humain ou un être qui exprime une conscience terrestre, une conscience qui n'est pas nécessairement extraterrestre. Maintenant, il faut bien comprendre que si on parle de paraterrestre, on parle nécessairement d'extraterrestre. Un paraterrestre est un phénomène matériel qui cumule l'expérience planétaire et qui, de cette façon, cumule aussi l'expérience extraterrestre. Un paraterrestre n'est pas un être extraterrestre, c'est un être terrestre qui a une conscience extraterrestre, mais qui a la faculté d'exprimer sa conscience extraterrestre dans un contexte planétaire, qui n'est pas nécessairement en date, en co-justification avec le monde dans lequel il vient s'exprimer. Autrement dit, un paraterrestre est un être qui provient de l'avenir, qui a une conscience extraterrestre et qui exprime sa conscience dans le passé, qui, pour pour la datification des oreilles qui vont écouter, est le présent. Autrement dit, un paraterrestre est un phénomène qui a une conscience extraterrestre et terrestre, une conscience terrestrement extraterrestre, une conscience humaine supramentale, le plan supramental est extraterrestre, et qui vit dans un monde qui n'est pas, dans un monde de l'avenir, et ce monde de l'avenir le projette dans le passé avec une conscience de cet avenir. C'est pourquoi, ayant une conscience de l'avenir dans le passé, il devient un paraterrestre, en ce sens qu'il a une conscience d'un monde parallèle terrestre, mais qui est exprimé dans un autre monde parallèle terrestre, celui qui est le monde actuel ou de ceux qui écoutent. Et dans le monde de l'avenir où il est, il a nécessairement une conscience extraterrestre, une conscience supramentale bouddhique ou divine ou intentionnelle, et nécessairement, il devient ce que tu appelles un paraterrestre, un être humain qui provient d'un avenir, qui donc des mondes parallèles, qui vit dans une datification autre que la nôtre, et dans un espace identique, mais dans un temps différent. Et il a une conscience extraterrestre par le seul fait qu'il a la faculté de voyager à travers les sphères du temps, de façon ou de traverser les mondes parallèles du point de vue du temps, pour pouvoir venir exprimer une conscience extraterrestre de l'avenir dans un contexte qu'on appelle le passé de son point de vue, mais qui s'appelle le présent du point de vue de ceux qui écoutent. Ces paraterrestres-là, est-ce que c'est des gens qui sont missionnés, ou c'est tout simplement des gens qui sont régis par les lois universelles, des gens de leur travail qu'ils ont à faire, soit planétaire ou autre? Bon, il faut faire attention au terme missionné. Ce sont des gens qui sont missionnés par d'autres phénomènes humanoïdes qui ne vivent pas dans le contexte paraterrestre. Mais ce ne sont pas des gens qui se missionnent eux-mêmes. Pour faire une nuance majeure. Tu fais partie d'une organisation et on te missionne. Donc, l'organisation supporte ton action. Alors que si tu fais partie d'une organisation et tu te missionnes, tu risques de travailler contre ton organisation pour la simple raison que tu crées un schéma d'antidiscipline. Oui, vu qu'il n'y a pas de discipline, nécessairement, tu travailles à l'encontre de la coalition mentale des individus. Alors, un paraterrestre est nécessairement un être humain qui provient de l'avenir. Bon, en partant. Il n'y a pas de paraterrestres qui proviennent de notre temps. Aujourd'hui, ce sont des terrestres, des terriens. Un paraterrestre est donc explicitement un être qui a une conscience extraterrestre, une conscience terrestre et qui provient de l'avenir. Le paraterrestre a nécessairement une mission. Mais cette mission, elle est en coalition avec l'objectif mental, supramental et bouddhique, et même intentionnel, du temps d'où il vient. Donc, il travaille avec des alliés. Il ne s'est pas missionné, il est missionné, c'est autre chose. Missionné par le hasard, c'est-à-dire que missionné par la mécanique évolutive, qui permet la création de probabilités d'accomplissement correct d'un acte. Alors, ce n'est pas un vote, ce n'est pas une décision prise émotivement, ce n'est pas non plus une personne qui s'offre, simplement que dans n'importe quelle structure régie par de l'intelligence, lorsque tu es l'élément le plus parfait pour faire une chose, on ne te demande pas ton avis, on te dit de la faire. Et toi, nécessairement, étant intelligent, tu l'as fait. Tu ne donnes pas ton avis non plus. Surtout que dans un contexte paraterrestre, il n'y a pas d'ego du point de vue de l'endroit d'où provient l'individu, donc n'ayant pas d'ego, il n'y a pas d'opinion à donner. Alors si on a un pompier et on a un incendiaire, eh bien quand il fait froid, on demande à l'incendiaire d'allumer un feu. Lorsqu'il fait trop chaud, on demande au pompier de l'éteindre. Il n'est pas question d'opinion. Le pompier ne dit pas, oui, mais là, c'est encore moi qui. Bon, dans le monde d'aujourd'hui, c'est ce qui arrive. Parce qu'il y a de l'ego. Il y a de l'ego et l'ego vise la paresse. C'est-à-dire que l'ego est une structure mémorielle et comme toute structure formique mémorielle, ça vise à l'arrêt. Alors, on prend de l'eau chaude va se refroidir lentement, tout le temps à l'instagnation. Étant donné qu'il y a de l'ego dans l'homme et que l'homme est axé sur la mémoire, eh bien, une cristallisation complète d'un phénomène, donc l'empêchement total de l'avancement ou de la transformation, amène une nourriture absolument certaine et stable pour l'ego, et c'est pourquoi l'ego a une tendance innée vers la paresse, vers l'inertie. Et dans un monde où il n'y a pas d'ego, l'inertie n'existant pas, nécessairement, ça demande beaucoup moins d'énergie pour faire bouger un corps. Ici, étant donné qu'il y a une inertie d'ego, quand on demande à quelqu'un de faire quelque chose, on doit le motiver. C'est-à-dire qu'on doit mettre de l'énergie pour compenser son inertie. L'inertie, la faculté qu'a un corps mémoriel à refuser toute transformation dans un déplacement. Une explication physique ou astrophysique. On est du point de vue de l'ego, l'inertie égoïque, c'est l'énergie qui est nécessaire pour obliger un ego à changer, donc à changer son déplacement. Alors, si une personne avait un déplacement apparemment stable, où elle était assise sur une chaise, et quand tu lui dis, tiens, va donc faire la vaisselle, eh bien, il y a une inertie majeure qui est là. Et pour obliger l'ego à se lever pour aller faire la vaisselle, eh bien, il faut que tu opposes à son inertie une énergie suffisamment puissante qui peut être la colère, qui peut être la raison, le raisonnement logique, qui peut être le tétage, qui peut être un connaître de crème glacée à l'après, qui peut être, moi, l'affaire, le reste de l'année, c'est à fait maintenant. Alors là, on doit poser de l'énergie. Dans un monde de l'avenir, un avenir possible, ce que j'appelle moi le choix de l'homme nouveau, nécessairement il n'y a plus d'ego. Donc l'inertie d'ego n'existe pas. Alors lorsqu'il y a une chose intelligente à être faite, elle est faite. Alors on parle d'émission, oui, mais il faut faire attention au niveau d'émission. Alors je préfère amener le terme fonction, qui est un terme typiquement rosicrucien, mais qui est un terme beaucoup plus écologique. Chien qui va à la chasse, perd sa place. Bon. Les gens qui vivent dans ce monde, dans cet autre parallèle que tu dis de l'avenir, est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils sont tous des gens missionnés, des gens intelligents? Est-ce que ces gens-là reviennent tous ici, ça veut dire dans le temps présent, pour courber le temps, pour arriver à ce que leur existentialité soit évidente? La grande majorité des... Premièrement, les gens ne sont pas tous missionnés, donc ils ont nécessairement tous une fonction, mais ils n'ont pas une fonction temporelle, donc ils n'ont pas une mission à travers le temps. Une nuance. Maintenant, ces gens-là, est-ce qu'ils sont intelligents, ça va de soi, ces mondes ne sont constitués que de mondes d'intelligence et donc de mondes anti-ego. Il n'y a aucun ego, donc c'est un monde anégoïque totalement. Étant donné que c'est un monde anégoïque totalement, il ne fonctionne que du point de vue de l'intelligence. Et j'expliquais hier qu'il y a un phénomène intéressant qui est celui de transformer une actualité dans le but d'engendrer une transformation dans un passé, dans le but d'éliminer des conditions du passé, ce qui va entraîner l'élimination d'un karma dans l'avenir. Autrement dit, à partir d'un présent, si on a la faculté de descendre dans un passé qui serait existentiel s'il y a encore de la conscience dedans. Donc, votre présent est un passé où il y a encore de la conscience au point de vue de l'avenir. Alors, si on a la faculté d'envoyer un être humain, un paraterrestre, une conscience à travers le temps pour venir manipuler le passé de ce paraterrestre, donc le présent des terrestres, des terriens, de manipuler ce phénomène-là de façon à éliminer des tangentes qui se sont révélées vraies. Mais étant donné que le temps est une farce, nécessairement tout ce qui est vrai est faux, c'est donc changeable. Alors, lorsqu'un paraterrestre a une fonction, celle de revenir dans le passé, dans le but de transformer d'instaurer des néotypes et de transformer certains archétypes, de façon à éliminer des problématiques qui, dans 1000, 2000, 3000 ou 4000 ans, engendrent des résultats karmiques, eh bien, ça devient une fonction temporelle. Tous ceux qui vivent dans un monde de l'avenir, il n'y en a pas énormément, il y en a quelques millions. Ceux qui vivent dans un monde de l'avenir n'ont pas tous des fonctions temporelles. Ils ont donc des missions, on peut dire. Mais ils ont tous des fonctions dans leur actualité même. Et de l'avenir, eh bien, ils supportent les choses. Comme à un moment donné, j'ai expliqué, le Nazaréen. Le Nazaréen, c'est un phénomène paraterrestre. Bon, le Nazaréen se promène dans une rue, d'un petit village imbécile qui, par la suite, va être rebaptisé sous le nom de Nazareth. Bon, alors, il se promène dans ce village, et puis à un moment donné, il y a une maison qui tombe sur un gars. Mais le gars, il est placé là pour ça. Le gars, il est venu au monde juste pour recevoir la maison sur la tête. Juste pour que le Nazaréen puisse sauver le gars. Sa seule fonction, ce gars-là, c'est ça. Alors, est-ce qu'il a une conscience extrêmement évoluée? Non. Pas besoin. Et tous ceux que le Nazaréen a sauvés ne l'ont pas suivi. C'est ceux que le Nazaréen n'a pas sauvé qui l'ont suivi. Les apôtres, le Nazaréen n'a pas guéri les apôtres. Il a guéri un soldat romain. Ah, parfait. Le romain est venu le voir et il lui a dit, « Ben, j'ai machin chouette qui est malade, mon serviteur. » Le Nazaréen lui dit, « Bien, voilà, je vais aller le voir. » Pourquoi il dit ça? Ben, parce que c'est prévu que le soldat, il est archétypé, il n'a pas de conscience. Et il explique, « Non. Moi, j'ai des serviteurs et quand je dis, fais ceci, il le fait. Et quand je dis, va, il va. Alors, tu n'as simplement qu'à commander, il va être guéri. » Alors, regardez tout le monde, il y voilà. Ben oui, c'est ça, le gars qui est là, il sert à ça. Alors, il y a donc des choses. Moi, j'ai un travail intéressant à faire. Un travail qui, du point de vue de l'attente méritoire égoïque de l'homme, de temps en temps, paraît stagnant. C'est loin d'être stagnant. Dans les sphères astrales, dans les sphères occultes, c'est absolument loin d'être stagnant. même dans la sphère matérielle, mais les choses doivent aller en leur temps. Alors, de ce phénomène de l'avenir, il y a des entités qui ont la fonction de redescendre dans un passé qui est notre avenir, pour simplement être des outils convenables dans une sphère néotypale ou néogène qui engendre des néotypes et pour qu'on puisse s'en servir. Alors, à un moment donné, eh bien, je rencontrerai quelqu'un qui va simplement dire juste les mots qu'il faut pour, et je dirai moi aussi les mots qu'il faut pour, et ça va changer toutes les conditions, ça va changer les conditions d'un écosystème local. Et ce bonhomme-là ou cette bonne femme-là, tu la feras plus. Le Nazarien, il a sauvé des gens, mais ces gens-là, ils l'ont crié, ils ont crié, ils ont crié, puis après ça, on n'a plus entendu parler, c'est normal, il n'était pas existentiel. À l'époque du Nazaréen, Daniel, juste pour nous donner une idée en espace-temps. L'espace présentement, évidemment, le Nazaréen, présentement, il vit aujourd'hui. Nous, on dit 2000 ans, mais en réalité, disons que chaque année, c'est simplement un endroit ailleurs. Dans 2000 villes d'ici, le Nazaréen est en train de se faire crucifier. Ce n'est pas 2000 villes en réalité, c'est 1993 villes, mais quand même. Disons 2000 villes, le Nazarien est en train de se faire crucifier. Alors, si l'individu a la faculté de voyager dans ces villes-là, eh bien, il aura l'impression de voyager dans le temps. Mais ce temps est instantanément présent. Alors, on dit 2000 ans, mais en réalité, c'est 2000 espaces-temps. Oui, mais la parade de l'astralité, est-ce qu'elle permet d'être à plusieurs endroits en même temps? Est-ce que tu peux vivre dans le futur en même temps que dans le présent, ou tu part simplement du futur pour revenir au temps présent? Non, un paraterrestre existe, son corps reste dans le futur, mais lui n'est plus là. Au niveau de la conscience? Exact. OK. Allez, si on se met... Disons que si, le terme n'est pas juste, mais c'est tout à fait faux. Il n'y a pas de mot qui existe encore là-dessus. Bien, il y a des mots, oui, c'est une espèce de... il y a un mot, il n'y a pas de mot. Je vais en inventer un, là. Mais je vais l'expliquer un peu avant. C'est une espèce d'état d'hibernation, mais ce n'est pas une hibernation corporelle tout à fait. C'est un corps de lumière qui existe dans ces mondes. Étant donné que c'est des corps de lumière qui existent dans ces mondes, ces corps de lumière sont refroidis. Étant refroidis, ils se terrestrifient. Se terrestrifiant, ils se mettent en état d'hibernation, mais c'est tout à fait faux. Ce n'est pas un état d'hibernation. Alors, il y a suffisamment d'effluves éthériques qui continuent à nourrir ce corps, pendant que le corps n'est absolument pas moteur, donc il n'est absolument pas animé. C'est une temporalisation. Le corps va, à un moment donné, traverser le temps lui aussi pour rejoindre le paraterrestre. Étant donné que le double éthérique est totalement constitué, la seule différence qu'il y a, c'est que dans le temps actuel, le double éthérique n'étant pas présent encore dans le schéma de conscience du paraterrestre, le paraterrestre peut dire qu'il crée un double éthérique, mais le double éthérique est totalement constitué. Il est totalement fini. Sauf que le double éthérique n'a pas encore traversé les sphères de conscience. Pourquoi? Pour la simple raison que la matière, le double éthérique a la faculté de traverser le temps par transport séraphique. Quand je parle de traverser le temps, on parle nécessairement de traverser les mondes parallèles. Par transport séraphique, à une vitesse beaucoup plus rapide que le corps matériel. Sauf que le corps matériel, lui, doit aussi faire son chemin. Donc, il doit se préparer à recevoir des effluves éthériques pour devenir éthérique lui-même. Et si le corps physique n'est pas suffisamment prêt, ça va créer une distorsion totale entre les mondes parallèles, c'est-à-dire une distorsion entre l'avenir et le présent, ce que vous appelez le présent. Et cette distorsion va permettre, risque de créer des trous entre les mondes parallèles qui risquent d'entraîner des parasites. Une espèce de parasitage absolument total qui va faire en sorte que différents avenirs potentiels vont se fusionner dans ce trou et cela va amener dans la conscience du paraterrestre une oblitération totale où il ne pourra plus retrouver son monde à lui. Et cela va entraîner d'autres phénomènes aussi qui n'arriveront pas de toute façon. C'est pourquoi j'explique que le double éthérique, même s'il voyage plus rapidement, va arriver dans un temps où le corps physique aura été préparé par un ajusteur de pensée localisé au plan présent ou au plan actuel de l'apparition du paraterrestre. Un ajusteur de pensée qui va être fusionné nécessairement. Et deux forces melchisédiennes qui vont simplement gérer et paramétrer la constitution évolutive du corps physique et du corps endocrinien pendant l'étape appelée présent, qui s'échelonne sur quelques années. Et à un moment donné, lorsque cela sera totalement terminé, le double éthérique va simplement traverser les couloirs des mondes parallèles pour venir fusionner l'être humain. Cela veut dire qu'à un moment donné, l'être humain qui sera le paraterrestre, qui sera, fusionnera son double éthérique, ne le fera pas comme l'humain le fait normalement, c'est-à-dire à travers d'énormes quantités de temps et normalement d'expériences de souffrance de vie. Si on regarde l'expérience d'un paraterrestre, le paraterrestre n'a jamais souffert ce que l'humain souffrira pour arriver à la création d'un double éthérique. Pourquoi? Parce que le paraterrestre a déjà terminé cette souffrance-là, il a déjà un double éthérique. Lorsque le double éthérique va se fusionner au paraterrestre, ce ne sera pas la même chose du tout que ce que nous avons connu. Alors, si on regarde présentement, il y a un être humain qui amène des contacts supramentaux sur le plan planétaire, et celui-ci a passé par d'immenses souffrances pour arriver à la création d'un double éthérique. Le paraterrestre, lui, ne fait pas cela. Le paraterrestre a déjà vécu cela il y a de cela quelques milliers d'années. Alors, nécessairement, vivant cela il y a quelques milliers d'années, lorsque le double éthérique va traverser l'espace-temps des phénomènes tridimensionnels, des mondes parallèles, eh bien, il y aura une une instantanéité de révélation d'un être nouveau. Alors, on ne pourra pas nécessairement comprendre ce qui s'est passé, mais ce qui était ne sera plus. Ce sera quelque chose d'autre. Et lorsque l'humain voudra revivre un symptôme similaire, eh bien, l'humain sera confronté à ne pas pouvoir le vivre, pour la seule raison que l'être humain présent n'est pas un père terrestre. Alors donc, il y a un corps éthérique qui a été terrestrifié de façon à préserver la mémoire, qui est en état d'une espèce de catalepsie sustemporelle, ce n'est pas, les termes ne sont pas encore tout à fait exacts, et qui attend. Et puis, à un moment donné, lorsque le corps matériel dans ce que vous appelez le présent sera totalement prêt, le globe éthérique va simplement traverser les sphères des mondes parallèles pour venir éthérifier le corps physique. Okay. Au niveau de la conscience, quand on parle du présent actuel, le futur, est-ce que ça a des dates? Est-ce que ça a des années? Est-ce que ça se calcule? Mais voyez, c'est le problème qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de transpositions à faire. C'est que si on se réfère à l'an 4000, le système de datation de l'époque ne fait plus référence à la datation après Jésus-Christ. Bon, alors il y a une grande partie du système temporel qui va être structurée à partir de l'entrée dans l'ère nucléaire de l'humanité. Alors ce sera après l'entrée dans l'ère nucléaire. Pendant une grande partie de l'évolution de ce que vous appelez l'avenir, de ce qu'on peut appeler le passé, une grande partie de l'imitation locale de l'humanité va avoir une datation à partir de l'entrée dans l'ère nouvelle, qui va être datée à partir de 1969. D'autres dateront à partir de 1962. Ce qu'on pourrait appeler l'an 2000 et quelques après Jésus-Christ, il y aura une fusion des datations planétaires, c'est-à-dire que présentement, les Juifs ont leur propre système de datation, les Hindous ont leur propre système de datation, et la majorité de la planète se sert d'un système de datation après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, en l'an 0, c'est-à-dire 4 ans après la naissance du Christ. Il y a des êtres humains qui, dans quelques années, vont essayer de travailler, comme la science présentement travaille à partir de l'ère nouvelle. La paléontologie travaille à partir de l'ère nouvelle. C'est-à-dire que la paléontologie ne dit plus que, bon, le dinosaure a vécu 30 millions d'années avant Jésus-Christ. Pour la simple raison que 2000 ans dans 30 millions d'années, c'est tellement ridicule que finalement, ils ont éliminé le 2000 ans après Jésus-Christ, que nous sommes aujourd'hui, et on dit 30 millions d'années après ou avant l'ère actuelle. Mais l'ère actuelle commence en 1960 pour la majorité des paléontologistes. Alors, si on regarde la datation dans l'avenir, eh bien, il va venir un temps où tout système de datation sera en fonction de la création même de notre système solaire. La création même du système solaire va donc faire référence à près de 4,7 milliards d'années. Mais le système annuel va être lentement abandonné pour faire place à un système qui cumule des millions d'années dans une seule terminologie. Exactement comme le kilomètre devenait une farce absolument débile lorsqu'on veut mesurer la distance entre deux étoiles, eh bien, on a pris l'année-lumière, qui est la distance parcourue par, qui est donc 10 000 milliards de kilomètres, qui est approximativement la distance d'une année-lumière. Alors, au niveau des datations, il va se passer la même chose. Parler de 2000 ans après Jésus-Christ, lorsque ça fait 4,5 milliards d'années que la Terre existe, on est carrément compté la traque. Alors, lentement, donc, si on parle de système de datation, ça demande énormément. Sur quelques centaines d'années. Disons, on peut dire que l'Apocalypse va arriver d'ici l'heure 0 à l'an 500. Mais pour l'être humain qui est assujetti à vivre à partir de l'ère du Christ, 2000 ans, il calcule tout en fonction d'années. Calculant en fonction d'années, 500 ans devient extrêmement énorme. Mais s'il calculerait en fonction de la création de notre Soleil, 4,7 milliards d'années, 500 ans, ce serait vite. Seconde. Ça sera une seconde. En ce moment, notre futur, de celui que tu parles, il vit en ce moment entre 3600 et 4000 ans, après Jésus-Christ. Mm-hmm. OK. À l'époque du Nazaréen, est-ce qu'ils sont toujours dans la même époque, eux autres? S'ils vivent toujours dans un monde parallèle? Non, si on fait abstraction, puis on recule de 2000 ans. Ça veut dire en non, l'an... d'accord. La question, c'est qu'en l'an 4000, est-ce que Jésus-Christ a toujours vécu en l'an zéro? Mais étant donné qu'en l'an 4000, on n'est pas en l'an 4000, mais en l'an... Le terme est un terme qui va me revenir à un moment donné. On a mis des choses, à un moment donné, traverser le terme. Bon. Alors, on s'assujettit. Vois-tu, c'est qu'il y aura une langue universelle qui va apparaître, qui ne sera pas le français. Alors, il faut faire des transpositions de terminologies qui ne sont pas actuelles, d'une langue qui n'existe absolument pas. J'ai parlé à un moment donné que l'être humain devra inventer une langue d'évolution. Alors, on a la langue d'affaires qui est l'anglais, on a des langues de guerre, on a des langages de guerre, des langages d'affaires, des langages de colère, et il y a aussi un langage d'évolution qui va apparaître, et à un moment donné, toute l'étymologie humaine va être axée sur un langage d'évolution, c'est-à-dire un langage de communication d'énergie plutôt que de forme. C'est-à-dire que présentement, on doit utiliser la phrase pour communiquer une forme. Alors qu'à un moment donné, on va utiliser le mot pour communiquer la forme. Et on parle de télépathie, mais il y aura toujours la forme orale qui va servir pour le contrôle de certaines choses. Et au lieu de prendre une phrase complète pour désigner une chose, on va prendre un mot. Et ce mot va désigner toute la phrase complète telle qu'on le prend aujourd'hui. Alors, lorsque tu poses la question, il y a des questions qui sont extrêmement complexes. Si on veut essayer de faire un parallèle entre un monde qui n'est pas existentiel actuellement au niveau du présent, du point de vue de la vision de la conscience, qui existe du point de vue des sphères temporelles, mais pas du point de vue des sphères de la conscience de l'actuel présent, alors il y a ça complexe les choses. Alors, je dis, moi, que dans cette époque, la chronologie n'est pas basée sur l'année. Elle est basée sur la rotation, sur la translation de notre Soleil à travers les spires de notre galaxie. Alors, une année, à l'époque, je fais une référence qui est relativement fausse, une année à l'époque est le quart de la translation de notre Soleil autour de l'apex de notre galaxie. Et cela déjà prend des millions d'années. On peut dire que 2682 années sont le temps que prend notre Soleil pour traverser une constellation. Alors, si on prend un système de datation annuelle qui ne fait pas référence à l'année, mais au temps pris par notre Soleil pour traverser une constellation, alors je peux te dire, dans un an, on aura abouti. Dans un an, c'est un douzième du travail du déplacement solaire à travers les constellations du Zodiac. Ça veut dire plus de 2000 ans. Alors, une année sera de plus de 2000 ans pour vos années à vous. Alors, si tu dis, est-ce que le Christ est toujours à l'an zéro? Bien, en fonction de la datation de l'an zéro du Christ, oui. Mais en fonction de la datation universelle employée dans un avenir plus intelligent, eh bien non, le Christ est en l'an annuel standard planétaire actuel, c'est dans les 4 680 000 années, à partir de l'an zéro, création de notre Soleil, pour l'étape actuelle, enfin dans l'an 4000, à partir de l'an zéro. Bref, une question stupide. T'es un palatérestre, toi, Daniel? Ça me regarde. Parle-nous donc de ta mission. Ou quel est le travail planétaire que tu dois accomplir en l'an 1988 de notre ère? Non, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être dites. Pourquoi? Parce que l'instruction de l'astral fait partie du travail de beaucoup d'humains. Et nécessairement, révélant trop de choses, lorsque les questions ne sont pas posées convenablement, révélant trop de choses, on mine le travail. Okay. Alors, tu ne fais pas une émission émise par satellite expliquant à tous tes ennemis ce que tu vas faire. Sinon, qu'est-ce que tu fais? Tu expliques tout ce que tu vas faire, puis comme c'est pour ça que tu vas faire, bien nécessairement, tu vas réussir. Mais tout le monde va dire que tu changes d'idée régulièrement. Mais ça va de soi, mais ça fait partie de la problématique de l'instruction. OK, on va changer de sujet. Parle-nous de la valeur des techniques Feldenkrais. Ah bon, il y en a qui l'appliquent souvent avec ça, là. Au point de vue de ses bienfaits sur l'amélioration du corps, physique et système neuronique, comparativement à ETM, Menfi bon. Et la démarche flottante. Bon, le problème, c'est une question qui est vieille. Et je déteste répondre à des questions vieilles. La personne aurait pu au moins se forcer de la réécrire. On va lui demander de se forcer de la réécrire. Sinon, on trouve que ses cheveux sont... ses cheveux gris. On revient sur le bon sujet. Que ses cheveux gris nous vieillissent. Mais des cheveux, ça nous vieillit. C'est plus sans des cheveux. Ne vaut-il pas mieux de l'éteindre et de présenter une meilleure onde de forme? Une meilleure onde de forme. C'est très relatif. Je te gage, moi, que si je me teins les cheveux en blanc, il y a beaucoup de personnes qui vont cesser de se teindre leurs cheveux. Pour présenter une meilleure onde de forme. Et puis, il y en a lentement qui vont s'éteindre en blanc aussi. Pour présenter une meilleure onde de forme. Mais meilleur veut dire quoi? L'ego est habitué de se nourrir du visuel du corps avec des cheveux colorés. Lorsque les cheveux commencent à être blancs, l'ego se doit de s'adapter. Alors, l'ego commence à entretenir l'arbre. Alors, l'ego veut teindre les cheveux parce qu'il dit présenter une meilleure onde de forme. Et moi, personnellement, je rencontre quelqu'un qui a les cheveux blancs. Ça ne m'empêche absolument pas de discuter avec. Il n'y a pas besoin de se teindre les cheveux pour me parler. Son onde de forme reste la même. On doit cultiver, tout à l'heure j'ai expliqué, cultiver tout ce qui est à l'intérieur de nous. Et ça va s'occuper de muter notre onde de forme. Alors, la première chose, moi, j'aime autant écouter comment tu parles plutôt que regarder la couleur de tes cheveux. Et après avoir écouté comment tu parles, je pourrais peut-être écouter ce que tu dis. Mais présenter une meilleure onde de forme, surtout que la mutation biologique de l'homme va entraîner chez l'homme et chez la femme des mutations qu'il va vouloir résister, qu'il va vouloir travailler contre. Il y a des avenirs où l'être humain, le mâle, n'a aucun cheveu. Il y a même une étape dans le passé où l'être humain commence à se raser la tête pour faire semblant. Alors qu'un peu plus loin, dans le passé, il y a des humains qui faisaient faire des transplantations pour en avoir plus. Quelle perte de temps! Les cheveux! Ah. Une chose est certaine, plus l'être humain se conscientise, plus son cerveau travaille. Plus son cerveau se réchauffe. Je parle du mâle. La femelle, elle vit la même chose, mais hormonalement, elle n'est pas bâtie comme l'homme, donc il n'y aura pas les mêmes symptômes. Alors donc, c'est pas qu'elle est pire, c'est que c'est différent. Je parle de l'homme, c'est l'homme qui perd les cheveux bien souvent. Lorsque le cerveau se met à travailler un peu plus, le cerveau gagne en température. Gagnant en température, il permet la prolifération plus adéquate de systèmes énergétiques, énergie plus réchauffée. Cela permet une meilleure mutation neuronique, cela permet donc une meilleure reprogrammation du système neuronique. Nécessairement, ça demande plus d'oxygénation et plus d'énergie. Le sang, donc, pullule au niveau du cerveau. Le sang allant de plus en plus au niveau du cerveau réchauffe encore le crâne. Le système du liquide rachidien, céphalo-rachidien, commence à refroidir les méninges de façon à préserver une intégrité de température pour ne pas que le corps gagne en température, même si le cerveau gagne en température. Et le système hormonal va donc fonctionner un peu mieux. Fonctionnant un peu mieux, cela permet un désassujettissement lent de l'hypothalamus et du contrôle astral. Et cela engendre nécessairement une prolifération hormonale temporaire d'expression du système astral du mâle pour permettre la reconnexion du système neuronique hypothalamien avec l'astral, ce qui ne marchera pas nécessairement. Et cela entraîne l'expression massive d'hormones au niveau cérébral, et cela fait en sorte que ces hormones vont obliger les cheveux à tomber. Alors, il y a des manières chirurgicales où on peut empêcher cela, c'est-à-dire qu'on va se faire opérer, et on se fait rétrécir la lumière des artères qui amènent le sang au niveau du cuir chevelu. Il y a des hommes qui subissent ce genre d'opération. Et là, étant donné qu'il y a moins de sang qui va dans cette région, bien, les cheveux tombent moins. Mais à un moment donné, il faudra se demander si ce n'est pas la peau complète qui va tomber par manque de nutriture, de nutriments sanguins. Mais ça existe aujourd'hui. L'être humain, l'homme, peut payer pour des opérations chirurgicales où on va étrangler la lumière de certaines artères qui amènent le sang au niveau du cuir chevelu. Et c'est garanti 80% là, comme succès. Mais franchement, se faire charcuter pour garder ses cheveux alors qu'à un moment donné, le corps risque de pourrir au complet. Il y a une problématique majeure. Question suivante. L'homme survit à quoi? À travers quoi, sa folie? D'être lui qui n'a jamais été? L'homme survit à quoi? À travers quoi, sa folie d'être lui qui n'a jamais été? Eh bien, encore là, on a une question ici posée par un ego qui est sur un paradoxe, et le paradoxe, il n'arrive pas à l'absorber. Le passé, ça existe, le passé. La preuve, hier. Sauf que le passé n'existe pas. La preuve, hier, je le dis aujourd'hui. Et chaque fois que je me rappelle le passé, je m'en rappelle maintenant. Donc, ce passé n'existe pas. Il est de l'instantané. Mais il n'existe pas. C'est un paradoxe. Et l'être humain doit arriver à pouvoir subir ces paradoxes, l'assaut des paradoxes. On ne pourra pas arriver à avoir une conscience plus grandiose si, à un moment donné, on n'est pas capable de supporter le paradoxe. L'homme survit à quoi? Premièrement, le terme « survie » est un terme fallacieux. Il ne survit pas, il vit. À travers quoi? Sa folie d'être lui qui n'a jamais été. Et on revient encore au problème. Je suis parce que je ne suis pas. Donc, si je ne suis pas, je ne suis pas. Mais si je ne suis pas, je le dis. Si je le dis, c'est que je suis. Oui, on doit pouvoir se permettre de dire, c'est tout à fait logique. Et qu'est-ce qui est intéressant dans le paradoxe? C'est qu'au fur et à mesure que j'avance sur ma logique, je dois rester instantané sur ce que j'avance. Pas essayer de cumuler ce que l'ego veut faire. Alors, reprenons un exemple de logique. Tout est faux. Si tout est faux, ce que je viens de dire est faux. Si ce que je viens de dire est faux, si tout est faux est faux, c'est que tout est vrai. Mais si tout est vrai, ce que je viens de dire est vrai. Et ce que je viens de dire, c'est tout est faux. Et si ça, c'est vrai, tout est faux. Donc, tout est faux. Mais si tout est faux, ce que je viens de dire est faux. Mais si c'est faux, c'est donc que tout est vrai. Mais si tout est vrai, ce que je viens de dire est vrai. Donc, tout est faux. C'est vrai. C'est vrai. Et ça, c'est un paradoxe. Un paradoxe qui est réel. J'en ai un autre paradoxe pour toi. Oui, mais c'est intéressant, c'est qu'on doit arriver à être capable de suivre le cheminement. Et regardez comment on arrive à absorber un paradoxe du point de vue de l'ego. Comme cela, tout est faux, donc ça avec, donc tout est vrai. Oublie le reste, tout est vrai. Si tout est vrai, ce que je viens de dire, c'est vrai. Donc si c'est vrai, c'est que tout est faux. Oublie le reste. Là, je peux dire, ouais, mais là, tout est vrai, tout est faux, je fais quoi? C'est là le problème. Tu essaies, dans ton ego, un espace quadridimensionnel où deux choses s'imposent mutuellement à leur espace-temps, à leur présence, où deux choses ne peuvent pas habiter en même temps le même espace-temps, dans l'ego, tu essaies de forcer l'imbrication dans un endroit où on ne peut pas, tu essaies de forcer mon verre à rentrer dans le tien. Nécessairement, ça crée une souffrance. On ne peut pas, ça tasse, c'est une guerre. Le paradoxe dans l'ego est une guerre. Tout est faux, donc c'est faux, donc tout est vrai. Mais si tout est vrai, ce qui est faux, donc est vrai, donc tout est vrai, donc tout est faux. Tu essaies de rentrer ça ensemble, tu ne peux pas. Alors, essaie donc plutôt de le boire énergétiquement. C'est une question d'instantanéité. Oui. Alors, si tu peux le boire énergétiquement, ça veut dire que tu suis instantanément le cheminement du paradoxe. Et là, ta conscience finit par être dans les deux, en même temps. Mais pas l'ego, l'ego ne peut pas. L'ego ne peut pas. Et pendant que tu es sur la même phrase, j'ai une question justement au sujet d'un paradoxe. Que veut dire croire et croire quand on n'en croit pas? Mais c'est ça, tu crois. Celui qui croit, il espère que ce qu'il croit est vrai. Celui qui croit qu'il ne croit pas, il n'est pas sûr non plus. Et il espère bien qu'il ne croit pas. Il espère que ce qu'il croit est vrai. C'est la même chose. Tu peux répéter? Ça veut dire « soi » et ne pose pas de questions. Ça veut dire « soi » et regarde les questions qui se posent. Oui. Soit instantané. Ben oui. « Soi » et ne pose pas de questions. C'est pas toi qui pose des questions. C'est compliqué, c'est grave-le. « Soi » et observe. OK. Maudire la science et ne se servir que de la science pour connaître sa vie. Être son seul maître et être continuellement sous la tutelle d'un maître. C'est mon larlé pendant que tu vas régler ton problème. Coudonc, tu règles ton problème ou pas? Bon, ici, ce n'est pas une question, c'est plutôt un papier. Maudire la science et ne se servir que de la science pour connaître sa vie, être son seul maître et être continuellement sous la tutelle d'un maître. Il manque la question. Oui, je sais. Tu l'as-tu? Non. Recto, non? Verso? Non, absolument rien. Okay. Tu dis que s'il y a une guerre mondiale, que seuls ceux qui ont fait le choix de l'homme nouveau ne vivront pas la guerre mondiale. Ceux qui n'ont pas fait le choix, ce n'est pas de leur faute, s'ils n'ont pas le libre arbitre. Mais il n'est pas question de faute. L'idée de la faute est une idée alignée avec le libre arbitre. Non, mais c'est pas de ta faute, tu ne savais pas. Ben, effectivement, tu ne savais pas. Paf, paf, paf. Après, c'est la planète qui évolue. Le petit cultivateur qui est en train de planter son radis et qui dit « Om mani padme om » pour qu'il pousse plus vite, et qu'il y a une bombe nucléaire qui tombe sur la tête parce qu'il a manqué d'énergie pour se rendre jusqu'à la ville. Pas de sa faute. L'idée, simplement, c'est qu'il y a un champignon qui devait pousser là plutôt qu'un radis. Lui, il est là. Il n'est pas au bon moment, à la bonne place. C'est pas de sa faute. C'est évident que c'est pas de sa faute. Ça regarde rien. Quand on fait des essais nucléaires dans les atolls françaises, comme on en fait encore régulièrement, les crapauds qui éclatent, là, c'est pas de leur faute. Les roches qui sont transmuées, c'est pas de leur faute. Le trou qui est créé, c'est pas de sa faute. L'atmosphère qui est consumée et brûlée par l'explosion, pas de sa faute. Mais non, pas de sa faute. Mais il n'y a pas question de faute. Même celui qui fait le choix de l'homme nouveau, c'est pas de sa faute. Y a-t-il des lois dans l'extra-réactionnalité auxquelles l'extra-créationnalité serait soumise? Comme par exemple... C'est bien, c'est intéressant, ça. Ben, l'exemple, là, tu le liras. Ah, y a-t-il des lois dans l'extra-créationnalité auxquelles l'extra-créationnalité serait soumise? Comment ça m'a... Oui, bon. Qu'est-ce qu'une loi? Une loi, c'est un principe. Une loi, c'est tout ce qui est inharmoniquement harmonieux. C'est un paradoxe. Bon, mais digérez. Il y a une création absolument débile. Il ne faut pas penser que la création, c'est une perfection, puis que Dieu a fait ça, c'est génial. Imaginez-vous, les plantes poussent, il y a des fleurs, il y a des tons. Pingouins, il y a des mouches qui donnent la trypanosomiase. Non. Il y a une explosion massive. Puis à un moment donné, quand tout ce qui est créactionné ne peut pas s'étendre plus vite que la vitesse de l'espace-temps, c'est-à-dire la vitesse de la lumière, eh bien, ça crée des refoulements internes. Les refoulements internes sont ce que nous appelons l'amour, les lois d'attraction. L'obligation de ne pas pouvoir se fuir plus vite, eh bien, ça donne l'illusion qu'on a une raison de ne pas aller trop vite. Et à travers cette chose, à travers cette explosion massive qu'est la création, il y a finalement un équilibre qui tend à être instauré. Lorsque l'équilibre est instauré, on appelle cela une harmonie. Alors l'harmonie existe entre le loup et le chevreuil. Ça n'empêche pas le loup de tuer le chevreuil et de le bouffer. Mais lorsqu'il n'y a plus assez de chevreuils, les loups meurent de faim. Lorsque les loups sont morts de faim, il n'y a plus assez de loups, les chevreuils commencent à se reproduire en masse. Lorsqu'il y a beaucoup de chevreuils, les loups ont beaucoup de nourriture, ils commencent à pulluler. Lorsqu'il y a trop de loups, les chevreuils en manquent, et puis c'est un équilibre. On appelle ça la paix, l'harmonie. Alors, lorsque l'on parle de loi, la loi, cela, on va dire, c'est une loi naturelle. Mais la loi naturelle le fait en sorte que l'aigle ramasse l'écureuil, que l'écureuil ramasse la noix, puis que la noix, ben, ne peut pas faire pousser un chêne. Et c'est une loi naturelle. Tout ce qui est légal, tout ce qui est relié à des lois, ce sont des limitations dans l'équilibre. Chaque fois que l'être humain change l'équilibre, il change les lois. Chaque fois que l'être humain change les lois, il change l'équilibre. Et c'est pourquoi changer une loi, ça peut être extrêmement dommageable pour toute la création, parce que changer une loi veut dire briser l'équilibre. Et briser l'équilibre peut entraîner des forces, des choses absolument incomprises par l'homme et incontrôlables par l'homme. Et l'homme doit donc s'assujettir à de nouvelles lois. La loi, c'est quelque chose que l'on doit suivre pour ne pas briser un équilibre. Nécessairement, il y a des lois humaines, une loi sociale humaine, il y a un équilibre. L'équilibre entre la police et les bandits. Mais ici, on interdit la police, on brise une loi, et il y aura plus trop de bandits, alors on brise un équilibre. Et on a donc des lois. Parce que l'être humain a un ego qui lui permet de ne pas respecter la loi humaine, ou la loi divine, qui est une loi humaine, placée dans le monde de la mort et redonnée par la suite ici. On aime ça exporter pour acheter plus cher, nous autres. Alors donc, il y a cette expression, et lorsque la loi cosmique est colorée, intuitivisée par l'être humain, il l'applique dans le contexte de la planète, et l'être humain a une facilité à la démolir. Ça brise l'équilibre social, l'équilibre théologique, l'équilibre du monde de la mort. Au-delà de la création, il n'y a pas d'équilibre. Donc, il n'y a pas de force contraire qui se lutte les unes sur les autres. Se luttant sur les unes sur les autres, ça engendre un équilibre dans la création. Au-delà de la création, il n'y a pas de temps et d'espace, donc il n'y a pas de loi. N'ayant pas de loi, il n'y a nécessairement pas de problème. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a rien qui s'affronte. Il n'y a rien de créé. Un paradoxe. Sous lequel, à un moment donné, on pourra aller s'amuser. Mais pour l'instant, il faut comprendre les petits paradoxes atomiques, moléculaires, astronomiques et astrophysiques de notre planète. Alors, au-delà de la création, il n'y a pas de loi. L'extra-créationnalité n'est pas légiférée par l'obligation de créer. C'est un accident. Comment pouvons-nous comprendre que l'intentionnalité serait régie par des lois? Il y a beaucoup de questions que vous posez. Il y a beaucoup de questions que l'on pose qui ne peuvent, ne devraient pas être posées par une personne consciente. Je parle d'une sphère au-delà du plan bouddhique qui est une sphère d'intentionnalité. Si on est intentionnel, c'est qu'on a un libre-arbitre total. Comment peut-il y avoir des lois dans un état où il y a un libre-arbitre total? Comment peut-il y avoir des lois dans un état d'intentionnalité? Tu fais ce que tu veux, mais si tu fais ça, tu manges la claque. C'est ce qu'on a, nous autres. On a besoin des barbites. On a le choix entre le bien et le mal. On a le choix entre mourir ou vivre. On a le choix entre payer pour ou gagner. Franchement, ce n'est pas des choix, ce n'est pas des barbites. Alors, au-delà de la création, et dans l'intentionnalité, dans le dernier plan, dans la dernière sphère créationnelle, il n'y a déjà pas là de loi. La loi, elle se densifie au fur et à mesure que l'harmonie devient obligatoire par l'équilibre des forces antagonistes. Et il y a des forces antagonistes entre l'univers, l'attraction et la répulsion. Entre les deux, se crée une stabilité harmonique apparente et qui permet la création de phénomènes évolutifs comme l'homme. Il faudrait demander à Mario de le garder. Oui. Hein? Que quelqu'un peut s'en charger. Je le dis pour tout le monde ensemble. Têtez-le pas. Comment discerner dans ce que l'on mange si la forme enferme une énergie convenable à notre corps, surtout avec les changements vibratoires paradoxaux comme la terrestrification de l'énergie et l'accumulation de l'énergie? La première chose, c'est de regarder ce que nous mangeons autrement qu'avec nos yeux. C'est bien évident que regarder un pâté chinois avec ses mains, ça complique les choses. Bon, mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit prendre des éléments de prime abord. Et on doit fonctionner par intuition. De temps en temps, il y a des choses qui ne nous plairont pas. Et on se force à ce que ça nous plaise quand même. La première chose que l'on doit faire, c'est quand une personne dit « Ah oui, mais non, on m'a fini mon assiette, je ne peux pas gaspiller ça. » Moi, je lui réponds « Le jeter aux toilettes en chien ou le jeter aux poubelles. » Maintenant, non seulement tu uses moins ton corps, mais c'est le même résultat. Avec moins de culpabilité, je l'ai mangé. Bon, c'est évident que la théorie des pauvres petits Chinois qui crèvent de faim ne nous motive plus à manger toute notre assiette. On ne les nourrit pas plus. C'est compris. La première chose, c'est de manger selon notre faim physique. Et non pas manger selon notre faim morale. Deuxièmement, quand on prend des œufs, par exemple des œufs qui sont pondus par des poules nourries au grain et non pas aux hormones, et puis qu'on trouve que subitement cet œuf-là, il n'est pas bon. Alors, non, c'est des œufs naturels. Bon, tu as belle raison de manger de la marde. La marde, c'est naturel. Très naturel. Mais de moins en moins chez l'homme, là. Mais chez l'animal. Alors, on doit s'arranger pour se fier de plus en plus à notre goût. Vous n'aimez pas ça. Vous n'en avez sans doute pas besoin. C'est évident que la personne qui est tout à fait démantibulée du point de vue de son goût. Le goût, c'est la résonance de certains atomes qui constituent des molécules, qui constituent des cellules, qui constituent des papilles gustatives et olfactives surtout, parce qu'on goûte seulement si on a un odorat. Et lorsque l'être humain a totalement démantibulé tout son système gustatif de façon à l'assujettir à l'astral, ça crée des problèmes. C'est-à-dire que moi, je goûte quelque chose de bon, mon système neuronique, je l'ai reprogrammé et ça amène dans ma sphère astrale une énergie qui n'est pas belle pour elle, pour mon âme. Alors, je n'aime pas ça. C'est un problème. La personne qui dit « Oui, mais épice-les un peu, tu vas voir, ça va être meilleur. » Mange donc les épices. C'est les épices qui font que c'est meilleur. Alors, on ne doit jamais épicer un mets. Jamais. C'est moins bon parce que notre programmation gustative a totalement été faussée. On n'épice jamais un mets. Une viande épicée, on ne peut même pas savoir si elle est encore comestible. Alors, lorsqu'on mange quoi que ce soit d'épicé, on fausse tout. L'épice, c'est le camouflage astral chez les mets. Lorsque moi, je vais dans un restaurant huppé, Je ne mange à peu près rien. C'est écœurant comment on mange mal, là où il y a de la bonne chair. La seule bonne chair que je vois, c'est celle qui peint après ceux qui marchent. Et pas dans mon assiette. Alors, on va dans un restaurant et on nous amène des plats, des ceci, des cela. Moi, je veux avoir des betteraves. Ça goûte tout sauf la betterave. J'en mange pas. Oui, mais c'est de la fine cuisine. Oui. C'est pas la fine cuisine, c'est la fin de la cuisine. C'est pas la même chose. Alors, on doit s'arranger pour rééduquer son goût. De quelle façon? En mangeant les choses pas bonnes, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas épicées. Et lentement, eh bien, on va finir par retrouver ça bon. À un moment donné, moi, j'avais une vache. Je ne parle pas de ma femme, je parle de l'animal. Et je la trayais. Alors, on se plaçait, mon ami et moi, on avait deux trayons chaque. Et puis, après une demi-heure, trois quarts d'heure, on réussissait à avoir un gallon de lait. Les fermiers n'en revenaient pas parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi la vache ne nous avait pas kické bien avant. Parce que se faire achaler de même une demi-heure de temps, même le veau ne le fait pas. Et puis, à un moment donné, eh bien, ce lait-là, j'en buvais, je l'ai fait boire à mes enfants. Mes enfants, ils trouvaient, tu sais, c'est du lait qui venait pas de la compagnie, c'est d'une vache, fait qu'ils doutaient énormément. Après un laps de temps, quand tu bois ce lait-là, il goûte énormément le gras. Parce que c'est un lait qui a énormément de matière grasse dedans. Alors, on laisse le lait se reposer, on ramassait la crème en haut, et puis on le brassait à la main, puis on faisait du beurre. Et puis, à un moment donné, je mettais ça dans la sécheuse, et puis là, la sécheuse, elle brassait tout seul, du beurre. Lorsque ce lait-là finit par être bon au goût, il est bon au goût. Et puis là, on boit ce lait-là, puis les enfants adoraient ça. À un moment donné, la vache, qui s'appelait Picroche, parce qu'elle avait un picroche, ce picroche était bouché. Alors, on l'a vendu chez le boucher. Et puis là, il fallait qu'on achète du lait. Quand on a commencé à boire ce lait-là, il goûtait que l'eau. Elle goûtait de l'eau. Mais maintenant qu'on boit juste de l'eau,